Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on va faire une petite émission sur le thème des addictions. Donc je suis avec Brittany. Salut à tous. Avec Clara, avec Maxime et avec Queen. Bonjour. Donc on va commencer sur les chapeaux de roue déjà. Est-ce que l'un d'entre vous ou tout le monde pourrait me donner vos définitions d'une addiction déjà ? Moi, je peux commencer. Je pense qu'une addiction, c'est ça peut être une addiction aux produits, que ce soit illicite ou licite, mais aussi à des addictions au sexe, des addictions au jeu. C'est un comportement qui est excessif et qui peut être maladif comme définition. Moi, je dirais que c'est être dépendant de quelque chose et ne pas s'empêcher de le faire. Et même si on le veut vraiment pas, c'est limite instinctif et on n'arrive pas à se défaire de ça. D'accord. Ouais. Quelque chose à rajouter ? Bah non, pareil, vraiment, oui, quelque chose, un comportement pareil excessif qui peut, ouais, devenir maladif. Et voilà, être dépendant de quelque chose, après que ça soit matériel ou immatériel, comme on disait. Enfin, par exemple, d'addiction à une substance ou même... Bah, comme on a dit, addiction, bah, par exemple, aux jeux vidéo ou à quelque chose qui n'est pas forcément directement matériel. Ok. Et toi, Maxime, t'as un truc à rajouter ? Tout a été dit. Grosso modo, c'est un besoin obligatoire que ton corps réclame. Réclame, voilà. Ouais, c'est ça, faut souligner le côté un peu psychologique, physiologique du truc que tu peux pas t'empêcher de faire, quoi. Et toi, Max ? Bah, je viens de compléter un peu ce que c'est vous disiez, mais je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit en général. Est-ce que vous connaissez des moyens de se sortir d'une addiction ? Moi, je pense au TCC. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Non. Thérapie cognitive et le dernier, c'est je ne sais plus. Comportemental. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a aussi les groupes de thérapie. Il y a aussi les médecins qui sont là pour ça. Ils peuvent vous aider, mais après, ça tout dépend du niveau d'addiction que tu as. Et donc, tout dépend aussi de la personnalité, même si, voilà, une addiction, c'est difficile de s'en sortir. Mais si tu as l'envie de s'en sortir et qu'il y a des moyens qui peuvent t'aider, comme par exemple, je pense aux familles, je pense au soutien psychologique de tes copines, de ton copain, de ton papa, ta maman, peu importe. Je pense qu'il y a... Il y a possibilité de trouver une solution. Et pour compléter ce que disait Queen, enfin ce que dit Queen, ouais, ça dépend aussi de la motivation qu'on a de vouloir s'en sortir. Il y a des personnes qui s'en sortent pas parce qu'ils le veulent peut-être pas forcément trop assez, je veux dire. Et voilà, ça dépend aussi de la motivation. Ça dépend aussi de l'addiction en elle-même, je dirais. Parce qu'il y a des choses, être addict à certaines choses n'est pas non plus un tort. Par exemple, moi, le premier, je suis addict à la musique. Si j'ai pas de musique, je pète un câble. Ok, ouais. Mais c'est pas mal d'être addict à la musique, comment dire. Mais c'est mal pour tes voisins. Il y a différents types d'addictions. Il y en a certaines qui sont un peu moins graves, entre guillemets, que les autres, quoi. Mais pour compléter ce que vous disiez... on peut trouver quand même beaucoup d'aide de nos jours entre les psychologues, l'entourage, etc. Même si on n'en a pas forcément, on peut faire des cures spécialisées pour se désintoxiquer, mais dans tous les cas, il y a toujours des solutions pour s'en sortir. Voilà. Après, contre-exemple, moi je connais une personne qui est très addict à tout ce qui est produits illicites et tout. Et la personne, elle a vraiment envie d'être normale, d'être une personne lambda, de trouver un travail et tout. Mais cette personne est tellement indigne que, en fait, elle a essayé de trouver, de passer par tous les chemins pour s'en sortir, mais elle n'arrive pas. Et pourtant, c'est pas la motivation qui manque, mais en fait, elle est vraiment sous l'emprise, sous la dépendance d'un produit. Donc, je trouve que c'est très triste et dommage aussi. Et à ce moment-là, tu vois beaucoup l'impact que cette personne elle a. Pardon. Et le produit aussi sur la famille de cette personne. Ouais, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que c'est surtout un truc qui se contrôle pas, quoi, qui est pas inné, mais enfin qui est. Ton corps le réclame. Oui, voilà, c'est ça. T'es addict, quoi. Le terme est là. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Est-ce que vous pensez que une addiction, ça peut être lié à un milieu social, dans le sens où ça peut être lié à dans l'environnement dans lequel on a été éduqué et qui pourrait nous amener à être addict à certaines choses ou pas, par exemple. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Le fait, par exemple, si nos deux parents fument et qu'on grandit dans cet univers de la cigarette, la fumée, etc., je pense qu'on a plus tendance à être attiré par ça. Par exemple, aussi, on peut prendre l'exemple aussi des SDF, par exemple. Je dis beaucoup trop exemple. Mais je pense qu'ils ont plus tendance... Enfin, ils boivent beaucoup d'alcool. Pour bah, y a plein de raisons. Le fait d'oublier leur situation, se réchauffer, par exemple, en hiver. Plein de choses comme ça. Mais ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, pardon. Je pense qu'il y a l'environnement qui joue beaucoup. Mais par exemple, je prends l'exemple de... Il y a beaucoup d'exemples là aussi. Je prends l'exemple britannique. Oui, si tu as les deux parents qui fument, tu as plus de facilité pour fumer. Mais or en fait, si tu vois que tes parents fument dès que tu es né, tu auras cette image de « Ah, mais genre, ils fument tous les jours, tu as la fumée qui sent pas bon et tout. » Tu vois aussi le côté maladif de la cigarette. Donc, il y a des enfants qui ont tendance justement vraiment à écarter tout ce qui est la cigarette, tout ce qui est la drogue et tout, parce qu'ils savent dans quel environnement ils sont et ils veulent pas justement cet environnement-là pour leurs enfants, pour leur famille. Après, je pense que c'est beaucoup à cause de la... de l'histoire de la personne, parce que souvent les addictions, c'est plutôt pour s'échapper à quelque chose, soit pour échapper à une histoire qui est traumatisante, ou juste parce que en fait c'est un moyen festif de s'amuser. C'est aussi, il y a aussi une pression sociale derrière tout ça. Quand par exemple l'alcool, on commence à boire, à fumer, parce que justement on va dans les fêtes, et en fait plus on fait de fêtes, plus on fume, plus ça devient quelque chose qui est normal, tout comme manger, tout comme boire. Donc ouais, je pense que c'est vraiment à cause de la situation. Après, si je peux prendre mon exemple, j'ai passé toute ma vie entouré de fumeurs, etc. On m'a jamais... Je pense que ça arrive plutôt dans le sens où si les parents interdisent vraiment la chose aux enfants, ils ont plus tendance à vouloir essayer et puis du coup après addict à ce genre de choses, etc. Alors que moi, ma mère, elle m'a toujours... Enfin, je prends mon exemple, mais elle m'a toujours... Elle t'a tendé des clopes. Non, pas à ce point-là, mais elle m'a dit... T'as pas interdit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Elle me dit, je fais mes propres expériences, etc. Et puis, à l'heure actuelle, je me rends bien compte que, déjà, c'est une perte d'argent, que tu finis par puer la clope au bout d'un moment, donc ça m'attire pas du tout dans ce sens-là. Donc, après, pourquoi tu me regardes? Après, ça dépend vraiment de l'éducation aussi, je pense, ouais. Que ouais, ça joue vrai, un grand rôle. L'environnement, il peut avoir il peut être soit être négatif, soit être positif. C'est vrai que comme on l'a dit, soit ça va nous permettre de prendre du recul, et le recul nécessaire pour se dire OK, ça c'est pas bien, ou alors forcément ça va nous plonger dedans et on va se dire on suit comme nos parents ou nos amis, même, parce qu'après, enfin, peut-être dans les adolescents ou les adolescents, il y a peut-être aussi maintenant, tous les phénomènes un peu de mode, entre guillemets, en se disant un tel fait ça, un tel fait ça, pour être pareil que lui, je vais faire pareil. Sauf que il y en a un qui va tomber vraiment dans l'addiction pure, alors que les autres, ils vont rester un peu en surface, entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, on peut prendre l'exemple des gens au collège qui se mettent à fumer super tôt parce que ça fait cool, quoi. Mais voilà, c'est du coup quand on dit ça fait cool. C'est pas l'éducation familiale, c'est l'éducation plus, scolaire. Sociale. Hein. Sociale, ouais, scolaire. Bah après, ça reste de l'éducation en soi, genre, t'apprends quand même avec... Mais c'est pas celle familiale, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même ton apprentissage de la vie avec ton entourage, etc., qui fait que au final, t'as des idées différentes ou t'arrives plus ou moins à prendre du recul, etc., sur la situation pour t'aider à juger ce qui est le mieux ou pas, quoi. Et du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà consommé un produit ou prendre un produit juste parce que vous voulez être bien vu par vos amis? Arrête de me regarder comme ça. Alors, Brittany, non, mais quand non, mais quand t'es en soirée ou quoi, et que, par exemple, je prends l'exemple d'un joint qui tourne, etc., et on te regarde en mode, vas-y, tire une taf ou quoi, et t'es là, tu te vois pas trop refuser pour pas paraître pour la rabat-joie, ou alors faire... genre que tu t'amuses pas ou quoi, donc forcément avec l'engouement du groupe, le fait que tu t'amuses, même avec un petit peu d'alcool dans le sang, tu dis oui, pourquoi pas, et après Ça peut... Ouais, l'effet de groupe, ça joue, ça joue souvent sur le comportement des gens. Mais du coup, ouais, vas-y. Ils se permettent de faire des choses qu'ils feraient pas tout seuls. Par exemple, on prend l'exemple d'un groupe de jeunes qui font chier les gens dans la rue. Ils feraient pas ça tout seuls, quoi. Qui embête les gens, voyons. Mais du coup, Brittany, toi, t'avais peur de ce que les autres pensent. Type, je sais pas, m'amuser, Non, moi, pas vraiment, parce que j'étais consentante. Enfin, je voulais. mais je pense que certaines personnes sont facilement influençables et justement, elles ont vraiment peur de ce regard-là, du fait de vraiment être exclues, en fait. Ouais, voilà. Okay. Et Clara et Maxime ? Moi, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Après, là, par exemple, parler des phénomènes de groupe et, par exemple, en soirée. C'est vrai que, du coup, moi, personnellement, je suis pas soirée et j'ai fait très peu de soirées, donc j'ai pas forcément été confrontée à la chose. Mais du coup, ouais, non, enfin, moi, perso, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Moi, Maxime. Ce genre de rapport, on va dire, social avec mes potes, c'est vrai qu'ils ont toujours été, ils ont toujours accepté. Si je dis non, c'est non. Mmh. Ils vont pas plus loin. Genre, ouais. Moi, ça m'a jamais intéressé, tout ce qui est drogue, principalement. J'ai jamais voulu. Après l'alcool, il y a certains alcools que j'aime bien boire. Je suis un grand fan de bière. C'est pas pour autant que j'en suis addict, c'est juste que j'aime bien boire de la bière en soirée parce que j'aime bien ramener des bonnes bières pour en boire des bonnes, quoi. C'est pas vraiment le fait de me saouler la tronche, quoi. C'est juste que t'aimes. J'aime bien ça. T'aimes ça, quoi. Comme okay. On pourrait aimer des bons vins ou. C'est ça, c'est exactement ça. Des trucs totalement différents, quoi. Et toi, Max ? Non, moi. Au jeu ? Non plus. Non, je sais quand même me contrôler, mais tout ce qui est illicite, etc., j'ai jamais trouvé ça super intéressant, parce qu'après, tu finis la gueule en vrac, etc. Je trouve pas ça super utile. Après, en soirée, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser emporter au niveau de l'alcool quand c'est possible, mais ça reste quand même raisonnable. J'ai dû prendre, 4 cuites dans ma vie entière, donc c'est pas énorme non plus, tu vois. Okay. Donc ça reste vraiment... localisé, et c'est pas non plus. Enfin, je bois pas non plus avec grand plaisir, parce que faut quand même le dire, l'alcool c'est pas super. Pas super bon. Enfin, juste du coup, t'as quel âge ? J'ai 21 ans. Ok, bah ça va. Prochaine question, est-ce que vous pensez que l'addiction ça peut être héréditaire ? Pour parler de héréditaire, faut parler de gènes, de tout ce qui est génétique et tout. Du coup, je pense que c'est pas forcément ça. Mais ça a été démontré scientifiquement que si tu as des parents qui sont dans tout ce qui, par exemple l'alcool, toi tu auras des gènes qui sont des facteurs facilitants pour que l'enfant en fait soit plus accessible au côté addiction. Mais c'est pas héréditaire, c'est juste que dans ton corps tu auras des éléments qui peuvent te dire que en fait tu es plus sensible à l'alcool que d'autres personnes parce qu'en fait tes parents disposent de ces facteurs là. OK, d'accord. Après, pour parler de génétique, par exemple, si une femme enceinte, elle prend du crack ou des drogues dures pendant qu'elle est enceinte... Même juste de l'alcool ou... Ouais, mais c'est moins pire, je trouve que... C'est pareil, non, mais, ça reste... Non, mais ça reste, par exemple, l'enfant, il peut naître avec une dépendance à être carrément en manque. Ouais. J'avais entendu une histoire comme ça, où un bébé est né et il était en manque de crack ou de chips, les bébés dure. Du crack, c'est connu aux États-Unis, il y en a plein, et ils sont obligés d'être sevrés et drogués, etc., pour pouvoir survivre, parce que sinon c'est horrible, quoi, comme sensation pour eux. C'est pas vraiment génétique pour le coup, parce que ça reste direct, parce que dans le ventre, parce que bébé il prend de la drogue direct, c'est le même sang, grosso modo, ça se dit, ça va dans le bébé, quoi. C'est ça, et bébé aime le crack. Est-ce que une personne addict, elle peut être dangereuse pour elle-même ou pour les autres ? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend. Parce que là, par exemple, si tu prends l'exemple d'une personne qui est en fin de soirée, qui a bien bu, bien fumé, elle peut être totalement en situation de danger pour elle et pour la personne qui est en face. Parce que du coup, quand tu as de l'alcool dans le sang ou des produits illicites ou licites, par exemple, tu as tendance à être super folle, super à l'aise, tu ne penses pas au danger, tu penses juste sur l'instant présent, tu penses que tu peux faire plein de choses, que tu as plein de super pouvoirs, et donc bah, là, c'est oui. ça te désinhibe, et puis tu te sens capable de faire des choses qui sont assez dangereuses entre guillemets. Et puis on a aussi les effets, si on prend l'exemple de l'alcool, de sentir qu'on a chaud alors que pas du tout, alors c'est juste parce qu'on a les... faux. Voilà, c'est ça, on a juste les vaisseaux dilatés, et que du coup tu peux choper une hypothermie hyper vite. Ouais, c'est l'inverse justement, le corps a plus froid quand il a de l'alcool dans le sang. Oui, c'est ça. Après là, je pense aussi, quand par exemple, si tu bois trop et que tu prends ta voiture, là, c'est super dangereux. Oui, même oui, si tu as juste bu deux verres, enfin, ça peut devenir, ça peut être un accident à moins. Par exemple, si tu prends l'autoroute et là, tu roules à 120, c'est mort. C'est ça, ça altère tes perceptions et puis du coup, t'es plus apte à conduire. Mais il y a aussi des effets sur le long terme, par exemple avec l'alcool ou quoi, qui peuvent te flinguer le foie, par exemple. Oui, après, ou, ça a un impact sur ton corps. Ouais, voilà. Mais là, je pense à la cigarette, par exemple. Oui, la cigarette, t'as plus de foie, tes cordes vocaux sont détruites. Ça te nique les poumons, ouais, ça te nique tes voies respiratoires, les drogues, ça te nique les neurones. Enfin, ça a vachement d'effet sur le long terme, mais c'est néfaste. Bah ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et il y a aussi les personnes qui peuvent s'énerver si jamais on les empêche de faire leur addiction, entre guillemets. Par exemple, si une personne alcoolique, on l'empêche de boire, on lui prend ses verres, etc., elle peut très vite se fâcher en mode donne-moi ça, j'ai envie de boire, quoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'il est habitué à recevoir de la sérotonine, etc., grâce à ces produits-là ou à l'activité à laquelle ils sont addicts. Et du coup, ils sont en manque de plaisir, quoi, s'ils sont privés de leur activité ou quoi. Et c'est pour ça que ça peut les rendre violents. Et juste une question, est-ce que vous connaissez une personne qui est addict à quelque chose dans votre entourage ? Moi, oui. Ouais. À quoi, du coup ? Déjà, moi-même, addict à mon téléphone. Okay. Je ne peux pas le lâcher. Mon père était alcoolique. Ouais. Et voilà. Et comment tu l'as vécu, tout ça ? Par rapport à ton père, du coup. Très personnel, mais... C'est une séance de psy, c'est vrai. C'était compliqué dans le sens où j'avais l'impression qu'il aimait plus ses bouteilles que moi. Ouais, ok. Donc... C'est pas très drôle. Non, mais ça va, mais... Ouais. Mais ouais, c'était compliqué. Et puis le fait, en fait, vraiment, vivre avec quelqu'un qui est addict à quelque chose, c'est vraiment compliqué pour soi-même et pour lui aussi. Ouais. Et vraiment, tout mon entourage, que ce soit moi, mon frère, ma mère, etc., on a toujours essayé de l'aider à s'en sortir, mais bon, il a jamais réussi. Okay. Donc ça fait une espèce de pression, dans le sens où on est là, on veut toujours, on veut qu'il s'en sorte, quoi, mais ça dépend pas de nous, ça dépend vraiment de lui. Donc voilà. Et du coup, toi, en tant qu'enfant, comment t'as trouvé une solution pour te dire que en fait là mon papa il a une addiction et que moi je dois passer à autre chose parce que visiblement il a pas l'air de Au début je comprenais pas trop je comprenais pas comment est-ce qu'il pouvait vraiment ne pas s'empêcher de boire et ne pas vraiment privilégier l'alcool à sa famille quoi au début je comprenais pas trop après en grandissant j'ai compris que c'était vraiment une addiction et que c'était limite c'était de sa faute, mais dans un sens, c'était pas vraiment de sa faute. Il était vraiment dépendant de soi, quoi. Ouais. Et du coup, c'était compliqué. Mais après, je me suis dit, je peux rien faire, quoi. Il a fallu que je me fasse à l'idée que si jamais il voulait pas s'en sortir, il voulait pas, quoi. Je pouvais rien faire. Ok, d'accord. Et vous ? Tu t'es faite à l'idée que tu pouvais pas. T'étais impuissante face à la situation, quoi. Du coup, est-ce que t'as des conseils à te donner ? À me donner à moi-même ? Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'alcool. La dernière fois au bar, j'ai pris un coca. Bon, c'est fini. Ouais. En vrai, avec modération et vraiment quand tu vois que tu commences à boire vraiment régulièrement, par exemple, tu bois pas seulement au week-end, mais que tu commences à boire la semaine de plus en plus, que tu te remettes en question en mode est-ce que vraiment je suis pas en train de tomber dans une dépendance ? Est-ce que vraiment je suis pas en train de devenir alcoolique ? Ou alors. Oui, essayer de faire le point sur toi-même. Faire le point de temps en temps. Savoir où t'en es dans ta vie, au niveau de ça, etc. Du coup, t'as fait le point alors ? Ouais, j'ai fait le point, c'est bon. Ça marche. Et les autres ? Du coup, Maxime, Max, Clara ? Non, moi je connais personne dans mon entourage, que ce soit famille, amis. Ok. Moi je pourrais citer par exemple ma mère qui est assez addict à tout ce qui est nicotine, etc. Qui passe sa vie à vapoter. Et à fumer, mais maintenant je suis habitué et puis je me dis que elle fait bien ce qu'elle veut de son corps et puis que c'est pas trop mon problème. Et ça a pas trop d'impact, ça a pas trop d'impact sur moi, donc en soi, j'y pense pas forcément. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été autre chose, genre par exemple de l'alcool ou quoi, je pense que, ou un truc qui altère son comportement, là, ouais, je pense que ça aurait été un peu plus marquant. Ok. Et toi, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui sont dans des situations, à des enfants en fait, qui ont des parents qui ont des addictions? Ça dépend après de l'addiction, mais essayer d'en discuter avec les parents, savoir, savoir ce qu'ils en pensent, s'ils peuvent en parler à des professionnels de la santé, par exemple à des médecins ou à l'infirmière du collège ou du lycée, même si elles n'ont pas l'air très utiles à chaque fois. Elles peuvent quand même, nous conseiller un minimum, etc. Ou en parler à ses amis, etc., histoire d'avoir les avis des autres. Mais c'est important quand même de discuter avec les gens et puis de parler tout court, ouais, d'exprimer ses sentiments, d'extérioriser, ça fait toujours du bien. Après, si je peux rajouter un truc, les personnes qui sont dépendantes de quelque chose et addictes à quelque chose, elles sont pas forcément conscientes de ça. Par exemple, mon père, pour lui, il n'était pas alcoolique et pour lui, il avait absolument rien. Ouais. Et quand on lui disait, il s'énervait en mode non, je peux arrêter quand je veux, je suis pas alcoolique, etc. Ouais. Donc c'est compliqué aussi dans le sens où si jamais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont addicts ou dépendants, ils peuvent pas régler ce problème entre guillemets. Donc il y a aussi ce côté-là qui est compliqué. Il faut savoir se rendre compte du fait. Je pense que ça passe déjà qu'il y a, enfin, il y a une période de déni avant de s'en rendre compte. Quoi. Ok. Oui, totalement. On va faire une petite pause. On est toujours dans Coexprime avec Queen, Clara, Maxime, Brittany aussi, oui, et moi-même. On se retrouve après une petite pause musicale avec Sacrifice de The Weeknd. À tout de suite. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. s'exprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. On est de retour dans Coexprime avec tout le monde et aujourd'hui on parle des addictions. Donc pour reprendre, je voulais vous demander quels sont les dangers des addictions. Quels sont les dangers, Brittany, de fumer les joints et de boire de l'alcool. Je peux te retourner la question. Parce que je crois que ça nous fait tomber en trottinette dans les champs. Ouais. Hein? C'est vrai ça. Toutes les deux. Non, ça fait aussi aller méditer en plein milieu d'un champ la nuit. Genre, vraiment, elle est partie comme ça et elle est partie au milieu du champ. Et ouais. Bon, revenons à la question. Oui. La question, du coup, quels sont les dangers des addictions? Les dangers. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une personne ivre qui conduit, par exemple. Donc, ouais. Elle peut faire du mal aux autres et du mal à elle-même avec un accident. Donc, elle peut vraiment tuer des familles innocentes. Donc, il y a ces dangers-là de pas vraiment être lucide de ce qu'on fait et de faire n'importe quoi et que derrière, il y a des conséquences. Donc ouais, il y a la lucidité, le fait que la vision, on ne voit plus trop clair, donc ça rejoint ce que je suis en train de dire. mais ouais, tu as pris un joint avant de venir. Le fait que... Elle n'a pas dit non. Non, le fait que... Ouais, on peut être un danger pour soi-même et les autres. Ouais, et du coup, est-ce que toi, tu as déjà été en danger ou été... Bah, ça a toujours été des petits dangers cool, pas des gros dangers où je risque ma vie, quoi. Par exemple, tomber en trottinette dans un champ, c'est pas non plus un truc de fou, mais je veux dire, il y a des personnes qui peuvent faire des trucs insensés sous l'effet de l'alcool ou d'autres addictions. Donc, ouais, mais pour mon cas, non, j'ai jamais eu de cas où vraiment, où, par exemple, coma éthylique, tout ça, non. Du coup, les dangers, t'en as cité, Brittany, les comas, c'est super dangereux, en sachant que ça arrive souvent chez les étudiants. Là, par exemple, je pense aux galas. Là, c'est le moment où il y a des galas dans les écoles et tout. Et donc, je sais qu'à chaque fois, il y a les pompiers qui sont là, ils sont prêts pour travailler. Après, voilà, il y a aussi le côté dangereux sur la route. Après, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas des histoires au Chat Noir, la boîte de nuit qui est sur Nancy, où il y a plein d'histoires des personnes qui... Piqués, ouais, c'est ça. Mmh. Mais pas que, il y a aussi des fois où des gens sont... Ils sont en combat de force devant la boîte et tout, juste parce que du coup, ils ont pris de l'alcool et d'autres produits. Après, là, c'est, je pense aussi aux personnes à l'entourage qui subit les addictions, comme par exemple une personne qui boit beaucoup et qui est alcoolique, la personne peut être violente moralement et verbalement aussi. Et physiquement, physiquement aussi. Mais on a cité, donc c'est pour ça que j'ai pas recité. Mais oui, mais c'est surtout verbalement où ça peut être très dur d'encaisser pour l'entourage. Donc Et après, comme on a dit tout à l'heure aussi, enfin sur le plus long terme, avoir des conséquences directement sur notre corps, enfin sur les organes, le cœur, les poumons, le foie, les reins. Enfin, c'est vrai que l'alcool, la cigarette comme ça, enfin ça forcément. Enfin, pas tout de suite, au bout de la première semaine forcément, mais sur le long terme et dans le cas d'une addiction, ça a forcément des conséquences néfastes sur notre corps. Après, là, pour le coup, on parle surtout des drogues depuis tout à l'heure. Enfin, quand je dis drogue, j'inclus l'alcool, les médicaments et tout ce qui est produit illicite. Ça peut avoir des effets directement sur ton corps, sur tes organes, etc., sur ton cerveau, à dégrader... sur le long terme, ton corps, mais en ayant tout aussi des effets sur le court terme, dans le sens où ça altère ta vision des choses, ta façon d'être, etc. Ouais. Mais on peut parler aussi des conséquences des addictions autres que les drogues, par exemple, avec aux réseaux sociaux. Oui, par exemple, les réseaux sociaux, les trucs les comme jeux ça. Vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux d'argent aussi. Les jeux d'argent, oui, c'est ça. Les jeux vidéo... Maxime, Max. Après, les jeux vidéo, je trouve que c'est quand même assez récent comme truc. Ça fait pas hyper longtemps que c'est super démocratisé, etc. Et je trouve quand même qu'il y a une certaine vision des boomers entre guillemets, dans le sens où ils trouvent ça aberrant que les jeunes ils jouent plusieurs heures par jour alors que c'est juste un hobby et que c'est pas parce que tu joues 8 heures par jour que t'es addict quoi. Bah quand même non. Bah, ça dépend. 8 heures ça passe très vite hein. Oh, quand même. En soi si tu t'amuses ou quoi franchement ça peut passer super vite. Ça passe vite. Si t'arrives à te décrocher, si t'arrives à te décrocher, c'est bon. Oui, en fait, voilà, c'est moi je suis capable de passer des journées entières devant mon PC mais du jour au lendemain. Voilà. Oui, si on y a un demande... pote qui m'appelle, il fait se souvient, ouais. Viens chez moi ce week-end. Bah, j'ai pas de oui, soucis. Oui, voilà, PC, ouais, c'est ça. Oui, c'est mais ça. Tu peux passer des journées entières à jouer avec Brittany, par exemple. On le fait des fois. On passe peut-être une dizaine d'heures par jour à être sur le PC, mais c'est pas pour autant que il faut absolument qu'on joue tous les jours, etc. Non, c'est juste on s'amuse, c'est un hobby, c'est un passe-temps, mais. C'est pas forcément une addiction parce que tu joues plus d'une heure par jour quoi. C'est ça. Mais voilà, faut pas qu'après derrière ça crée enfin parce que du coup enfin si on est vraiment addict après on se renferme forcément sur sur nous-mêmes et sur le jeu vidéo ou les jeux vidéo en directement quoi. Et c'est vrai que ouais voilà, faut qu'on sache faire enfin faut qu'on sache trouver enfin savoir faire trouver le choses, ouais voilà, ouais, faire la part ça, des choses, trouver le juste milieu et puis pas stigmatiser les gens qui jouent. Exactement. Juste parce que c'est pas ce que tu fais toi quoi. Exactement. Du coup, j'ai une question pour vous parce que moi je connais une personne qui est développeur et donc c'est son travail mais à côté il joue beaucoup. Et en fait, il joue tellement qu'il ne trouve pas le temps pour prendre la douche ni pour se brosser les dents. Du coup, est-ce que vous trouvez du temps pour se brosser les dents et vous laver? Ouais, évidemment. Bah, ça prend une demi-heure maximum par jour de prendre sa douche et de se laver les dents. C'est une réponse vraie ou juste une réponse pour pas tête? C'est important quand même d'être propre sur soi et de se sentir bien dans son corps parce qu'après, t'es tout gras sur ton siège. Faut pas qu'après ça. En ce moment, c'est la température qu'il fait, franchement. Ouais. Faut pas que notre loisir ou notre hobby, ça passe au-dessus après de notre bien-être et de notre santé directement. Ouais, quoi. Besoins, ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire dans les jeux? Comment ça se fait que c'est tellement indique que vous arrivez à passer le divertissement, le fait de rigoler deux fois avec tes potes et tout. Et... C'est ça, tu peux vivre des trucs que tu vivrais pas dans la vraie vie. C'est une certaine liberté, entre guillemets. Enfin, ça te change des idées, tu peux vivre des aventures rocambolesques avec tes amis, alors que dans la vraie vie, bah, ça peut tout de suite coûter de l'argent, ça peut être un peu moins pratique à faire, etc. Ouais. Alors que tu vois, tu vas en ligne, en plus tu peux rencontrer n'importe qui. Parce que, ouais, de n'importe où. Voilà, ouais. C'est ça, il n'y a pas de jugement de personne, etc. Ouais. Enfin, t'entends juste la voix et puis c'est tout, quoi. Maxime ? Bah, le terme de jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui est... qui permet de rencontrer des gens. Moi, personnellement, ce qui me fait m'intéresser à la radio, c'est que je stream sur Twitch. Cool. Et fais ta pub. De quoi? T'as 3 secondes, fais ta pub. Je vais dire juste que je rencontre pas mal de gens comme ça. Et en fait, au final, ça permet d'avoir un groupe de personnes qui se parlent sur un domaine et qui peut s'échanger, même faire découvrir des jeux aux gens. Et ça permet aussi de s'évader soi-même. Hein. Personnellement, il y a des jeux vidéo... Tu lances ton jeu, t'es contente, t'es dans un autre monde, ouais, et tu penses plus au jeu. Tu vires toutes tes choses néfastes de la journée, tu te lâches, et puis après tu vas dormir, tu recommences le lendemain. Quoi. C'est... Okay. Oui, voilà, c'est ça, c'est un moyen de se détendre comme un hobby comme les autres. Ouais, voilà, c'est un défouloir. Ouais. Mais du coup, moi qui suis pas du tout dans les jeux, je me pose la question parce que là, vous me dites que oui, c'est un endroit pour vous échapper, pour trouver une sorte de liberté. Pour rencontrer des personnes, mais moi qui suis plus vie extérieure, rencontre avec des personnes dans les bars, dans les lieux de travail, ou faire des activités en plein air et tout, je me dis, est-ce que ça vous dit pas plus de faire une activité où on arrive à ressentir les émotions, où c'est intense, on ressent physiquement, en plus d'être physique, mais aussi émotionnellement, alors que dans les jeux vidéo, il y a juste ce côté émotion. Il n'y a pas ce côté où tu ressens tellement, tu vois, dans ton corps et tout, que tu te dis waouh. Bah, je trouve que si, personnellement, tu arrives à quand même ressentir. Bah, les doigts. Non, mais ressentir émotionnellement. Mais pas. Comme par exemple, je prends de l'escalade, quand tu vas faire une randonnée, tu ressens, quand tu vas voir le paysage et tout, tu te dis waouh, c'est trop beau et tout. Et en plus, tu ressens quelque chose qui est dans tes jambes, dans ton corps. Tu te dis, là, c'est une bonne fatigue, tu vois, là, je me sens trop bien et tout. J'avoue que c'est chacun, je dirais. Ouais, voilà. Je pense que ça dépend moi, de chacun. Moi, j'aime bien balader aussi, comme tu racontes, faire de la rando de temps en temps, ça, j'aime bien. Mais le truc, c'est que quand je rentre le soir de ma journée, j'ai pas envie d'aller faire une randonnée, en fait. Je pense que moi, je suis pas du tout jeu vidéo non plus. Enfin, j'y joue pas du tout. Et enfin, ça m'intéresse pas forcément. Mais je pense que chacun est différent et chacun a, bah, du coup, a ses loisirs et ses hobbies. Ouais, et enfin réagit du coup différemment à certaines choses. Enfin, par exemple, je sais que bah, moi, j'adore la randonnée, enfin la nature, me balader dans la nature. Et ma sœur, elle aime bien aussi, mais moins. Et je pense qu'on a tous ce degré-là de satisfaction par rapport à telle ou telle chose. C'est selon, et que selon ça dépend, les préférences ouais, de chacun. Exactement, ouais. En fait, le sport des doigts. Oui, voilà. mais mine de rien, ça fait quand même... ça aide quand même à bien réfléchir, etc. Ça aide quand même à se développer. Oui, voilà, c'est que le jeu vidéo est quand même très bénéfique pour le cerveau. Exactement. Ah ouais, ouais, ouais, bah, ouais, parce que ça te fait réfléchir. Ça, fait après, ça entraîne tes réflexes aussi. Ouais. Bah, et puis après, il y a jeux vidéo et jeux vidéo. Oui. Enfin, je pense qu'il y en a aussi. Enfin, il y en a qui sont mieux que d'autres quand même. Et qui sont plus sensés que d'autres. Oui, il y a certains jeux à 8€ sur Steam qui sont pas super intéressants. Mais t'as plein de jeux qui peuvent t'apprendre des choses, qui peuvent des jeux de simulation par exemple, qui peuvent t'apprendre à piloter un avion quoi. Genre si on prend l'exemple de Flight Simulator, bah ça peut t'apprendre à vraiment piloter un avion quoi. Oui, ça c'est un exemple précis, mais par exemple si je prends l'exemple d'un petit enfant de 5 ans que tu mets devant un jeu vidéo, là ça va pas du tout développer sa croissance, bah, enfin, croissance neuronale je parle. Après, ça dépend de quel genre de jeu vidéo c'est. Oui, et puis il faut limiter aussi. Enfin, faut pas... C'est ça. Faut quand même limiter selon l'âge, selon la maturité surtout de l'enfant. Oui, aussi. Savoir comment est-ce qu'il peut, comment il va réagir, comment. Enfin, faut quand même savoir que je crois qu'avant 5 ans, l'enfant il peut pas faire la différence entre ce qu'il voit sur un écran et ce qu'il voit dans la vie réelle, donc faut quand même savoir à quel stade de développement l'enfant est, etc. Oui, mais après ça dépend du jeu, genre ça peut quand même être bénéfique sur beaucoup de points. Oui, il y a des jeux de réflexion, des jeux d'énigmes. Oui, voilà, c'est ça. Moi je sais que je suis un grand fan de jeux d'énigmes depuis que je suis tout gamin, et ça c'est pas ça qui va me faire être qui me fait être pas bien quoi, genre c'est pas voilà, c'est pas dangereux. Et la sédentarité dans tout ça? Bah après ah bon, on sort quand même hein. On dirait on est des animaux. On dirait on joue, on sort pas et tout. Enfin non, là avec Maxime et bon longtemps on faisait que ça d'aller au cinéma, enfin on sort beaucoup. On sort presque autant qu'on joue en soi, genre, ça nous empêche pas de sortir, etc. Parce que enfin c'est pas parce que tu passes une journée où t'es toute la journée sur ton ordinateur ou sur ta console que à côté t'as pas envie de sortir ou quoi, tu vois. Après, c'est vraiment un hobby comme un autre. Je veux dire, il y en a, pendant ils rentrent et ce qu'ils aiment, c'est lire. Alors, ils peuvent lire un bouquin pendant toute la journée, même pendant 4-5 heures, ils lisent un livre. Et nous, bah, c'est le jeu vidéo. Enfin, chacun son hobby. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont autant sédentaires que nous. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Alors que ça va être mieux vu, quelqu'un qui lit pendant 10 heures que quelqu'un qui joue pendant 10 heures. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, par exemple, je prends mon exemple, mais moi, je suis beaucoup plus lecture qu'écran. Et ma sœur, elle est plus écran que lecture. Et c'est vrai que, ma famille ou mes parents ont tendance à dire à ma sœur, prends exemple sur ta sœur qui passe sa journée à lire au lieu de passe ta journée sur tes écrans quoi. Alors que ça se trouve elle en apprend autant que toi sur les écrans, le fait de ça se trouve enfin elle peut se documentaliser sur les écrans, etc. Ouais, après, c'est toujours c'est toujours ça existe pas. Se documenter. Ah, c'est bien. Ouais, on revient toujours au fait de de stigmatiser le voilà truc, c'est ça ouais. Non, mais c'est vrai que tu peux apprendre tout autant de choses en jouant aux jeux vidéo. Si on prend l'exemple de War Thunder, par exemple, C'est quoi ça ? C'est un jeu de combat de véhicules, d'avions, de tanks, etc. Et pour le réalisme de la chose, il y a quelqu'un qui a été dévoilé des documents top secrets de l'armée chinoise pour appuyer le réalisme du jeu, etc. Donc tu peux quand même apprendre des trucs qui sont vrais... Sur des jeux vidéo, c'est juste une plateforme différente, quoi. C'est ouf, j'ai jamais entendu parler. Mais du coup, je vais faire la promotion un peu. Si vous aimez les jeux, il y a un bar qui est à Nancy. C'est un bar de jeux qui est près de la place Stanislas. Ça s'appelle La Faille. Oui, il est sympa celui-là. Un super bar. Voilà. Il est un peu étroit, mais c'est sympa comme bar. L'ambiance est sympa. Ils ont des bons saucissons. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Planche de Caradoc, là. Ouais, ils font des bons saucissons. Des bonnes planches. Là. C'est bien sympathique. En plus, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu, Maxime. Ouais, c'est possible. Ouais. Hein. La Faille, j'y suis allé beaucoup de fois. Non, mais c'est possible. Ces derniers temps, on y va beaucoup avec l'association Coexister. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux @coexister parce qu'on fait souvent des cafés débats, etc. Sur des thèmes différents. Et c'est toujours sympathique comme événement. Est-ce que vous pensez que on est assez sensibilisé au risque des addictions de nos jours, Maxime? Tu penses pas? Non, je pense pas qu'on est assez sensibilisé sur ça, sachant que tu as beau regarder la télé, ils en parlent jamais en fait. Ouais. À part quand c'est une pub d'alcool et c'est marqué en tout petit dans l'écran, il y a que ça de marqué en fait. Ouais, je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on en parle sans en parler en fait. Je suis d'accord. L'espèce d'effet de, on le dit pour le dire, mais les gens ils s'en foutent un peu. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu décrédibilisé dans le sens où les gens ils prennent pas forcément ça au sérieux. Oui. Donc ouais. Il y a aussi les réseaux sociaux où il n'y a pas du tout de sensibilisation, je pense. Enfin, si, mais juste minime. Hein, j'en vois pas du tout personnellement. Non, moi, ce que je vois le plus, c'est surtout des influenceurs qui partagent leurs codes pour parier. les jeux d'argent. Ouais. Bah, en fait, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils filtrent. Mais c'est une sorte de sensibilisation, mais pas vraiment. En fait, ils protègent la population, mais sans vraiment protéger, faire de campagne de prévention. C'est vraiment. Ça, en fait, ils masquent directement et du coup, ça nous permet pas de... Bah, vu qu'ils filtrent, ça masque un peu finalement s'il y a des choses vraiment néfastes. Donc forcément, je dis pas qu'il faut qu'on y soit confronté, mais rajouter, en plus de filtrer directement, rajouter vraiment des campagnes de sensibilisation genre claires et nettes en disant là... Genre, faut faire attention, faut sensibiliser à ça, ça et ça, quoi. Après, je trouve pas trop qui bloque les trucs, trucs. C'est plus dans le sens où tu vois les choses que t'aimes, donc je pense que si tu commences à liker des trucs qui partagent ce genre de choses, avec l'algorithme. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais que sur YouTube, ils filtrent. Comme par exemple, je sais plus c'est quoi le métier, mais t'as des personnes qui regardent les vidéos. Et par exemple, si c'est trop hardcore, ils effacent en fait de YouTube ou de Instagram aussi. Après, plus niveau violence, ça je pense, plutôt que d'addiction pure. Si on prend l'exemple de youtubeurs qui boivent en vidéo, c'est pas du tout caché ou quoi. Après, il y a aussi le problème des bureaux de tabac. Par exemple, ils vendent. Ils vérifient pas forcément la carte d'identité ou quoi que ce soit. Il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent aller acheter des cigarettes ultra facilement. Parce que moi, je sais qu'au lycée, j'avais des potes vraiment... on avait 16 ans, et 15-16 ans, et elle allait au bureau tabac. Et le fait qu'elle ait un visage qui faisait plus adulte, ou elle y allait et elle disait je veux un paquet de cigarettes. Il lui donnait, il vérifiait rien du tout. Et tant qu'elle payait... Maintenant, c'est trop facile de se procurer... procurer des cigarettes ou de l'alcool, donc forcément, ouais. C'était pareil pour moi au lycée, hein. j'avais quand même une moustache quand j'étais, au lycée, mais j'étais encore mineur, genre j'avais quoi, 17 ans, et puis ils vérifiaient pas l'âge et j'achetais de l'alcool comme je voulais. Quoi. Oh, mais après c'est aussi parce que t'as une apparence physique qui semble être une apparence d'adulte, surtout que pour les filles en ce moment c'est... C'est très facile de se faire passer pour une personne de 18 ans avec le maquillage, parce que je sais qu'avant, moi quand j'avais 15 ans ou 13 ans, peu importe, il n'y avait pas trop de maquillage encore, donc ça se voyait que t'es une jeunette, que t'as moins de 18 ans. Mais maintenant, les jeunes filles mineures, elles semblent être très, une apparence qui est très développée et tout, donc... Ça coûte rien de demander quand même la carte d'identité. Oui, après, c'est sûr, je suis d'accord. Surtout que c'est leur rôle. Exactement. Leur travail, quoi, normalement. Ça. Mm. Ça coûte pas. Ça prend 30 secondes en plus. Mm. Ce qui est super chronophage, quoi. Surtout pour une vente d'alcool qui se fait pas, à mon avis, toutes les ventes, quoi. Oui, c'est sûr. Et Maxime, t'as déjà acheté de l'alcool en étant mineur? Ouais. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout le long tout, parce qu'en fait, au lycée, tous les mercredis après-midi, on se retrouvait avec des potes et j'allais toujours acheter une ou deux bouteilles de bière. Comme ça, quoi. Et tout le long de mon lycée, ça s'est bien passé. Et le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, on m'a demandé ma carte d'identité. Et j'étais en mode, attends, t'es la même personne depuis 3 ans, tu n'as jamais rien demandé. Et le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans, tu me demandes ma carte d'identité, sachant que pour acheter de l'alcool, c'est pas 18 ans, mais c'est 18 ans et un jour. Ah, vache, ça, je savais pas. Et donc, en fait, le jour de mes 18 ans, c'était un mercredi, et j'ai pas pu acheter de l'alcool parce que c'est le lendemain que je l'ai acheté. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais t'avais t'avais déjà ta moustache et tout ou pas? Non. Ah, ça, c'est arrivé bien tard. mais après, je sais que dans certains cas, c'est super rare, mais il y a des gens qui sont engagés pour tester justement si les caissières vérifient les cartes d'identité ou pas. Okay. Et puis après, comme on disait, ça prend 30 secondes, c'est ça, c'est vaut peut-être mieux genre prendre 30 secondes en plus pour contrôler plutôt que pas le faire et qu'au final ça ait des conséquences. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme par exemple pour les cartouches de. Comment ça s'appelle les cartouches dans les ballons là. L'hélium ouais. Non, c'est pas l'hélium, c'est. Protoxyde. Protoxyde d'azote, ouais, c'est ça. Ça maintenant, les jeunes ils peuvent plus les acheter parce qu'il y a des. Il y a des jeunes qui font les cons avec. Ouais. Et maintenant, ils sont censés demander les cartes d'identité, mais pareil, ils ne le demandent pas à chaque fois. Quoi. Bah après, c'est une question d'argent. Donc, comment c'est une question d'argent? C'est rentable pour les personnes. Ouais. Oui, c'est sûr, mais bon. Après, vu qu'il y a la sécurité moral, derrière, c'est ça. À partir du moment où il y a la sécurité de quelqu'un qui joue derrière. Ça dépend de la morale, hein, c'est chacun. Ouais, voilà, après, c'est chacun. Et après, en termes de gain d'argent, si c'est une personne sur 15. Ouais. Oui. Oui. Même. Et puis, je pense pas que les magasins, que les grandes surfaces dépendent de la vente d'alcool. C'est pas parce qu'il y a un gamin, tu le retires parce qu'il a pas 18 ans que, oui, voilà, que le magasin va être en faillite. Il va clairement pas couler pour une bouteille qu'il vend pas. Ouais. Exact. Qu'elle va être remise en rayon, puis elle va partir quand même. Voilà, c'est ce qu'on voit. Puis ils ont des tonnes d'autres produits qui font que... on va terminer là, parce que ça fait quand même une heure bientôt. Donc c'était votre émission Co-Exprime avec Brittany, Clara, Maxime et Queen, ainsi que moi-même. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Co-Exprime, c'est impressionnant. On se retrouve dans 2 semaines pour Co-Exprime, une émission entre jeunes de différentes convictions. Salut. Merci beaucoup. Merci.